Des nouvelles acquisitions, un passager pas changé. Mort en proche du danger, on fait du chocard en vrai. Si t'as pas les épaules pour le faire, Igor te laisse démissionner. Si t'as pas les épaules pour le faire, Igor te laisse démissionner. La clientèle en redemande, les hommes en baisse sont affolés. Et pour pouvoir combler le manque, et tu peux se mettre à voler. J'ai dû commettre irréparable et l'impossible. Multiplier le bénéfice et les profits, bâtir un empire comme un Hoshi. Et j'ai rendu shopping, j'en pense à ma vie d'avant. Pense à ma vie d'avant, tu sais que je peux remettre les gants. Tu sais que je peux remettre les gants, je repense à ma vie d'avant. Oh, je veux pas remettre les choses à demain. Bâtir les mains, te fais tout. 2 heures du mat, un peu bourré. T'inquiète, j'ai manié le jouet. Tu as ce qui brille sur la chaîne. Je fais que de mes dents. Trop d'idées noires. La mélo, c'est mon côté pratique. Je remonte sur le champ d'assaut. Paris le soir c'est magique, et de l'histoire c'est Bresson. La mélo c'est mon côté pratique, je remonte sur le chien d'assaut. Paris le soir c'est magique, et de l'histoire c'est Bresson. Bex, 2 fois 0 après le 2, 109 records de label, Assa. Silence, ici on travaille. Je peux pas remettre les choses à demain. Bâtir les mal, je fais tourner. 2 heures du mat, un peu bourré. T'inquiète, j'ai manié le jouet. Du ice qui brille sur la chaîne. Je fais que pédale. Produit des noirs. J'irai la paille pour l'hiver long. Entrée des larmes, entrée des livres. Digo, on va te laisser par terre. C'est le 9-3, pas l'Amérique. Yeah. Avec moi, t'es la même, je viens. C'est que c'est une putain d'arbigale. 2 fois 0 après le 2. Change pas une équipe qui gagne. J'ai le corps la sonne sous la main. Si t'as besoin faut m'appeler. T'envoies le cheat en mission. C'est full black. J'dois éviter les glissades. Dans le ghetto. Ya ya ya ya ya ya. C'est full black. J'dois éviter les glissades. Dans le ghetto. Ya ya ya ya ya ya. J'dois éviter les glissades. Dans le ghetto, ya ya ya ya ya ya.